L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Mathieu Amiec, bonjour. Bonjour. Tu fais partie du groupe Marcus qui critique le numérique. Tu es auteur et tu gères une maison d'édition alternative, c'est bien ça ? Oui, une petite maison d'édition qui s'appelle La Lenteur, qui existe depuis 2006 et qui publie des livres autour essentiellement de la thématique du divorce entre le progrès technique et le progrès humain. Avec l'idée que par le passé, on pensait que le progrès technique entraînait un peu automatiquement, si je puis dire, le progrès social, le progrès humain, plus de liberté, plus de justice. Nous, on pense que ça n'a jamais été complètement vrai. Et en plus, on pense que quelque part, entre les deux guerres mondiales, quelque part au milieu du XXe siècle, c'est devenu même faux. Et qu'aujourd'hui, c'est carrément un conflit. Chaque progrès de la puissance et de la miniaturisation entraîne des régressions humaines, sociales, psychiques. Et donc, on essaie de documenter ce problème sous plein d'angles différents, avec effectivement une prédilection pour, malheureusement, une question qui s'impose à nous, qui est celle, jusque dans notre propre travail d'éditeur et dans notre vie quotidienne, bien sûr, celle de l'omniprésence du numérique, du développement d'Internet à marche forcée. Pour revenir sur le groupe Marcus dont tu fais partie, Marcus est un philosophe, théoricien politique, et c'est un mouvement, donc ce groupe, un mouvement autonome de réflexion critique à l'usage des survivants de l'économie. C'est en rapport direct pour toi avec la question du numérique qu'on va aborder aujourd'hui ? Non, bon, c'est pas un mouvement, hein, c'est juste une signature en fait pour des textes d'intervention dans l'actualité ou des petits bouquins. Au départ, le premier bouquin qu'on a fait avec quelques amis sous cette signature, c'était un livre sur la publicité qui venait à l'appui des actions au milieu des années 2000 de dégradation des panneaux publicitaires qui avaient lieu un peu dans toute la France et surtout dans le métro parisien à une époque, qui était régulièrement visité par des anti-pubs. Et on avait eu envie de faire un petit manifeste sur la place de la pub dans le capitalisme. Et on avait choisi cet acronyme rigolo, en référence à un auteur qui nous semble très important, qui n'était pas seulement philosophe, qui était, oui, une sorte d'intellectuel total, quoi, j'ai envie de dire, juif allemand, qui avait fui le régime nazi, qui s'était réfugié aux États-Unis, qui a développé une pensée relativement originale et qui a été un des inspirateurs de ce qu'on a appelé la contre-culture et les mouvements de contestation des années 60, 70 aux États-Unis contre la guerre du Vietnam, contre le complexe militaro-industriel, contre la société de consommation. C'est pas du tout un auteur qu'on fétichise, ça fait partie des auteurs importants du XXe siècle pour nous. C'est encore quelqu'un qui avait une certaine confiance dans le progrès technologique justement. Qui en voyait à la fois, qui voyait les problèmes que ça posait, mais qui pensait qu'il y avait des formes de progrès technologiques qui pouvaient encore aller dans le sens d'une libération. J'aurais tendance à penser que s'il avait vécu plus longtemps, il se serait aperçu que ce n'était pas le cas. En tout cas, nous, on pense que ce n'est pas le cas, et on essaye de défendre cette idée sous différents angles dans nos bouquins, dans les choses qu'on édite par ailleurs et dans les choses qu'on écrit nous-mêmes. D'accord, alors nous, c'est toi et d'autres auteurs issus de quel milieu ? Des gens qui ont fait des études de sciences humaines, des urbains au départ, qui ont eu pour point commun que la lutte contre les OGM a été quelque chose de très important pour nous dans notre politisation, dans le fait de sortir d'une pensée de gauche classique, d'une pensée productiviste, progressiste, étatiste. On a été très marqué par le combat contre les OGM au début des années 2000, la référence au ludisme et la critique du progrès technologique qui était contenue dans cette lutte. En tant que le progrès technologique nous dépossède de choses qu'on peut faire par nous-mêmes ou que des gens font jusqu'ici par eux-mêmes, en famille, en communauté, en petits groupes. Et donc cet exemple de la confiscation des semences qui continue de se jouer dans les OGM nous a semblé finalement quelque chose qu'on retrouvait dans plein de domaines de la vie quotidienne et de la vie économique, c'est-à-dire des situations où le capitalisme nous exproprie de nos capacités à produire nos conditions d'existence. Et finalement, on pense que c'est ça le fil directeur de l'histoire de ce mode de production, de ce régime social, le capitalisme industriel, qui s'est installé en Europe, pour commencer en Europe, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, que c'est à chaque fois des formes d'expropriation de ce que les gens savent faire par eux-mêmes, et qu'au bout d'un moment, ils ne savent plus faire, et ils deviennent dépendants d'une machinerie, d'une division sociale du travail, où effectivement se mettent en place des formes d'exploitation et d'aliénation redoutables. et parfois souvent répugnantes. Et par la suite, on s'est très vite intéressé à la recherche scientifique, à la critique de la recherche scientifique, alors qu'on avait des possibilités de devenir nous-mêmes chercheurs. Et certains d'entre nous se sont écartés de cette voie. Et on s'est intéressé à la thématique du numérique, qui nous semblait finalement l'exemple qu'on avait sous les yeux d'une expropriation, effectivement, d'une capacité à vivre notre quotidien sans machines, sans prothèses. Voilà. Je refuse d'avoir un smartphone. Voilà, ça me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une connexion qu'on m'impose et que je refuse de me laisser imposer comme ça. Je ne veux pas être en relation constante avec le monde, avec des gens qui m'espionnent, ou même pas nécessairement qui m'espionnent, mais je n'ai pas besoin de cet outil et je ne vois pas pourquoi je me l'imposerais. Alors tu as un téléphone, on va dire, juste pour téléphoner. Voilà, c'est ça. Et envoyer des textos, ça marche très bien. Ça passe parfois mal parce que c'est vu comme les nouveaux réseaux sociaux de type Facebook, WhatsApp ou quoi que ce soit, c'est un peu vu comme un moyen de rester en contact, surtout que je fais des études un peu loin et du coup c'est pas... Enfin, ça peut être mal vu dans un sens où ils ont l'impression que je refuse d'être en communication avec eux et je leur rends la vie difficile alors qu'eux, ils sont contents d'échanger, de partager des choses par ces médias-là que moi, qui ne me conviennent pas. Cette question des OGM que j'évoquais nous a appris quelque part à ne pas considérer les technologies comme quelque chose de neutre, plutôt comme quelque chose d'ambivalent, et dont les côtés qui nous dépossèdent, qui renforcent l'hétéronomie, qui renforcent l'emprise des grandes organisations sur la vie des gens, a tendance à dominer dans la phase actuelle. On peut prendre des exemples de la vie quotidienne toute bête, c'est-à-dire le GPS... la géolocalisation avec le téléphone portable. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus capables de se repérer dans une ville, par exemple, et a fortiori sur les routes. Ils vont avoir même du mal à lire des cartes. On a comme ça une dépossession de plein de petites expériences quotidiennes. Qui retient aujourd'hui les numéros de téléphone, par exemple ? C'était tout à fait normal avant de connaître un certain nombre de numéros de téléphone par cœur. On pense que cette facilitation, elle nous affaiblit, en fait. Elle nous rend effectivement dépendants d'une machinerie d'une complexité incroyable. Et donc, pour nous, effectivement, le numérique, ce n'est pas un outil. C'est-à-dire, ce n'est pas une simple technique. Une technique, pour nous, c'est couper du bois, c'est une technique. Danser, c'est une technique. Remplir des besoins physiologiques, c'est une technique. Enfin, il faut des techniques pour ça. Et on oppose, on différencie technique et technologie. C'est-à-dire que la technologie, pour nous, c'est des techniques qui sont... en fait, qui sont sous-tendues par la recherche scientifique, par des théories scientifiques complexes, et qui font qu'on n'est plus avec des outils que tout un chacun peut s'approprier, où il peut y avoir une transmission relativement simple et partageable. On est sur un type d'outillage qui crée tout de suite des différences sociales, qui crée des distinctions entre des experts et des gens du commun, qui en fait ne savent pas comment les choses fonctionnent. Quand j'arrive, je redécouvre un peu les nouvelles, des fois ça passe à la trappe, mais c'est comme ça. L'idée, c'est aussi que tous ces appareils, etc., de numérique, ça contribue, éthiquement, etc., c'est absolument pas viable et je refuse d'exploiter des gens pour mon petit bien-être, pour recevoir des petites nouvelles de mes parents, etc., même si, ça me ferait plaisir et c'est des conséquences que je refuse. Et puis, ça change complètement la société et ça me dérange également parce que toutes les interactions humaines prennent une tournure différente et on perd toute une spontanéité qui, moi, me plaît. Et voilà. Les mails, c'est bien. Les SMS, ça marche, mais c'est... Enfin, il faut reconnaître que les réseaux sociaux permettent de mettre en communication de façon tellement efficace que c'est un peu dur de s'en passer. J'ai déjà raté, par exemple, des invitations à sortir pour des fêtes ou... Ça arrive, mais enfin, après, les invitations qui passent par ce genre de choses, je considère que c'est pas vraiment les mêmes amis et mes amis les plus proches. Donc, c'est pas si grave et je le vis plutôt bien, ça. C'est pas un outil non plus, parce que quand on a un appareil comme le smartphone, on voit bien que c'est pas un outil, c'est un appareil qui permet de faire un nombre de choses absolument incroyables, jusqu'à la lampe, jusqu'à être une lampe. Internet, c'est un système, c'est pas un outil, et a fortiori, c'est pas un outil convivial, comme disait Ivan Illich, c'est-à-dire un outil dont on peut facilement connaître le fonctionnement et se l'approprier. C'est un système qui nous englobe. On est face à des politiques publiques qui sont entièrement tournées vers la numérisation de la société, vers la création d'infrastructures pour que tout le monde soit connecté en permanence, qu'il y ait la possibilité d'amplifier les flux de communication, d'amplifier le trafic Internet. Du coup, on n'est pas face à un outil qui est devant nous, dont on peut se demander si on peut l'utiliser ou pas. On est face à un système qui est en permanence développé, dont on est obligé de se servir, qui présente un monopole, ce que Illich appelait un monopole radical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne, on est obligé de se servir d'Internet si on veut avoir des rapports avec le Pôle emploi, avec la CAF, avec tout un ensemble d'administrations. On parle actuellement d'une suppression des guichets à la SNCF dans l'année qui vient, dans l'année 2020. Une suppression de tous les guichets, et il ne sera plus possible de prendre un billet que par une connexion Internet. Les impôts, on parle aussi de faire basculer entièrement la fiscalité sur Internet. À travers cet appareillage se jouent de plus en plus d'aspects de notre vie quotidienne, entre ceux qui ont été acquis par un côté ludique, ceux qui ont été acquis par un côté pratique, et ceux qui sont carrément imposés par les grandes entreprises et les administrations. On est face à une situation où il y a vraiment moyen de passer l'essentiel de sa journée les yeux rivés à un écran. Donc ça nous rend dépendants et c'est quelque part un peu totalitaire parce qu'on est obligé de passer par là et on est bientôt obligé, tout le monde, d'avoir un smartphone. Il paraît que la carte vitale, par exemple, va disparaître et qu'on va être obligé de présenter son smartphone pour pouvoir avoir les remboursements de sécurité sociale. On n'a pas le choix. Alors nous, on pense qu'il reste des marges de choix, qu'elles sont en train de se réduire effectivement, parce que trop peu de gens se préoccupent de cette question, trop peu de gens y voient un enjeu politique. Mais nous, on pense qu'il y a des pistes de résistance possibles. C'est pour ça qu'on écrit, qu'on se bat dans ce domaine. Ce dont tu parles aussi, pour dire que c'est pas un outil, c'est aussi que quelque part, plus qu'on ne se sert de l'outil smartphone ou numérique, on est quelque part manipulé par des gens qui ont pensé, qui ont mis beaucoup, beaucoup d'intelligence à nous orienter dans nos comportements. Et ça va transformer nos vies, nos rapports sociaux. On va avoir une dépendance matérielle, une dépendance psychologique énorme et aussi économique. C'est pour ça que pour toi, c'est pas un outil, le numérique ? Également, oui. Il y a cet aspect qu'on développe beaucoup, nous qui avions déjà écrit sur la publicité. Une des choses qui nous frappe, c'est à quel point l'addiction au numérique, pour toute une partie de la population, renforce en fait le marketing, l'administration du marché par les entreprises, la tentative de programmer notre consommation, d'orienter nos désirs, nos choix, notre univers mental. C'est quelque chose qui est considérablement renforcé, effectivement. On sait que les grands moteurs de recherche, Google en premier lieu, fonctionnent sur un profilage des gens, et que donc ce qu'on nous sert comme liste de sites où aller quand on fait une recherche, c'est quelque chose qui est fait en fonction de nos recherches précédentes, en fonction de ce qu'on sait de nos centres d'intérêt. Tous nos passages sur Internet donnent lieu, laissent des traces qui, effectivement, sont utilisées par les instituts d'études de marché, les départements de marketing des grandes boîtes pour nous profiler et essayer de peser sur nos comportements. Donc, bien sûr, ça, c'est un aspect très important de la dépendance. Et cet aspect est renforcé, du coup, par les politiques publiques. Qui vise à, selon les termes de gens comme Macron, Agnès Buzyn, à créer un état numérique, à ce que tous les services publics passent par le numérique, ce qui permet évidemment de licencier plein de gens, de supprimer plein d'endroits où il y a des contacts, d'éviter les grèves, etc. etc. Et en plus, c'est vrai que l'intrusion du numérique dans tous les pans de notre vie, ça nous soumet de plus en plus à des grandes organisations, des multinationales qui concentrent. Quand on veut covoiturer, on va passer par Blablacar. L'outil numérique, c'est très pratique, mais malheureusement, ça ne permet pas à la diversité des petits acteurs locaux de monter leur propre plateforme. Il y a vraiment un effet de concentration. Oui. Des phénomènes de concentration économique, d'émergence de nouveaux acteurs très puissants qui profitent de ce monopole de l'outil Internet et du réflexe. Alors il faut bien dire que ça rencontre vraiment un goût chez beaucoup de nos contemporains, un sentiment de facilité, un sentiment, même parfois, on me l'a encore dit il y a quelques jours, alors que je cherchais des gens dans ma région qui allaient parmi les Gilets jaunes par exemple, qu'aller à Biarritz. Et on me dit, mais va sur Blablacar, pourquoi tu t'embêtes à faire plein de coups de fil, va sur Blablacar, c'est super, tu vas remplir ta voiture. Et l'idée que pour moi, c'est tout autant problématique, par exemple sur le plan écologique, que l'usage permanent d'Internet pose des problèmes tout aussi graves que la voiture. Il y a vraiment un sentiment de que ça permet de s'organiser, que ça permet de rationaliser la vie, dans le bon sens du terme. Et je pense que c'est un problème. Alors, tu parles des effets néfastes du numérique sur l'environnement. Il y a des chiffres absolument incroyables. Alors, on ne parle pas, bien sûr, on le sait maintenant, les conditions de fabrication, mais aussi, en plus de ça, l'utilisation. On ne se rend pas compte, mais derrière chaque clic, il y a une masse de consommation d'énergie énorme. En une heure, il y a 140 milliards de requêtes Google, ce qui correspond à autant de CO2 que 1000 allers-retours Paris-New York en avion. En même temps, il suffit aujourd'hui d'être dans n'importe quel bus ou métro d'une grande métropole européenne pour le comprendre. Les personnes sont en permanence sur leur smartphone, sur leur écran. Le moindre moment de repos, ils n'ont pas autre chose à faire, se termine sur l'interface numérique. Et donc c'est des chiffres absolument colossaux, d'autant plus sur les requêtes de moteurs de recherche, que Google n'est pas le seul moteur de recherche. Donc ça veut dire qu'il y en a encore plus si on compte le moteur de recherche des Chinois ou des Russes et les moteurs de recherche alternatifs, n'est-ce pas? Mais globalement, le système numérique aujourd'hui consomme 10 à 15% de l'électricité mondiale. Il est prévu par nos chers technocrates qu'en 2030, ce sera la moitié de l'électricité mondiale. Et il est prévu, si tout va bien, n'est-ce pas, si nous nous laissons connecter par tous les ports comme on le fait pour l'instant, beaucoup trop, si les objets connectés se multiplient autour de nous, etc., il est prévu, si tous les services publics sont numérisés, il est prévu que donc la quantité d'énergie qui sera consacrée au système numérique en 2030 soit équivalente à la quantité d'électricité totale qui était dépensée en 2008. Donc voilà, on parle actuellement parfois de transition énergétique et c'est un mensonge énorme parce que les gens qui parlent de transition énergétique au sommet des États sont en train de planifier le doublement du trafic aérien entre 2017 et 2036 et le doublement du trafic Internet. Et comme ça, une situation où même en partant de la quantité d'électricité qui a été consommée en 2008, qui était absolument inacceptable, intenable sur le long terme, où il faudrait absolument revenir là-dessus, faire un inventaire de nos vrais besoins. Au lieu de ça, rien que la croissance du système numérique, auquel les États, les pouvoirs publics consacrent énormément de leur énergie, c'est ce qu'il y a à le dire, rien que cette quantité va être uniquement consacrée au numérique en 2030. Donc, on est vraiment face à des élites dirigeantes qui nous entraînent vers un abîme. Et le problème, c'est que on leur facilite un peu la tâche, quoi. Thank you. Est-ce que toi, tu essayes de réinventer physiquement des espaces de rencontre ? De réinventer des espaces de rencontre ? J'aime bien discuter avec les gens dans la rue, ça me plaît. Mais c'est pas toujours facile. À part ça, c'est plutôt que ça me frustre quand je discute avec des amis et qu'il y en a un qui sort son smartphone et qui discute avec des gens. Ça a tendance à m'énerver, mais j'essaie de prendre sur moi pour pas être assez pénible H24, mais sinon, voilà. Y a des lieux, principalement dans le milieu étudiant, y a des lieux de rendez-vous par groupe d'amis, je pense, mais c'est plutôt pas de groupe de rencontres assez neutre, dans le sens où on va pas dans un bar et on discute avec les gens, ça n'arrive pas, ou très peu, et c'est bien dommage, je pense, mais... On est surtout impliqué dans un questionnement sur le monde du travail. Tu me demandais d'où on venait. Par exemple, on était plusieurs à faire de la sociologie du travail, avoir vraiment un intérêt pour la question de l'entreprise, de l'exploitation au travail. Et effectivement, l'informatisation de la société nous semble quelque chose qui amplifie l'exploitation au travail, contrairement à ce qui avait pu être cru dans les années 80-90, où on disait beaucoup que l'ordinateur était un moyen d'épanouissement et d'autonomie pour les gens dans leur boulot, par rapport à leur petit chef, par rapport au patron. Je pense que c'est tout l'inverse qui se produit au final, et que l'informatique est un outil formidable pour rationaliser le travail, mettre une pression à la rentabilité, bureaucratiser ou rebureaucratiser le travail, c'est-à-dire obliger les gens à faire constamment des rapports sur ce qu'ils font, à noter, notifier, faire remonter de l'information sur le moindre de leurs gestes et la moindre chose qu'ils ont perçue dans leur boulot. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'on constate, par exemple, dans un réseau qui s'appelle Écran Total, qui est un réseau d'entraide, une fédération d'entraide et de lutte contre la numérisation du travail, et où un certain nombre de gens viennent raconter ce qu'ils subissent dans leur boulot, par exemple dans les services publics. Et on voit effectivement cette détresse de la part de pas mal de gens qui constatent qu'ils ne peuvent plus faire leur travail, faire ce qui leur semble important humainement et éthiquement dans leur travail, à l'hôpital, à l'école, dans le travail social, même des agriculteurs aussi avec leurs bêtes, qui voient que quand on essaye de les obliger à mettre des puces électroniques à l'oreille de leurs bêtes, de faire des fichiers très complets, des fichiers informatiques complets sur les gens qui viennent leur demander des rendez-vous, de numériser le travail à l'école, à la fois le travail administratif et le travail pédagogique, etc., etc., ils voient qu'en fait, ça leur confisque du temps pour se consacrer à ce qui leur semble important de faire. Il y a toute une réflexion donc, au sein du groupe Marcus et de la maison d'édition où tu travailles, La Liberté, édition La Lenteur. Vous appelez en fait à une désobéissance civile par rapport à l'intrusion et l'omniprésence du numérique. Comment on peut rejoindre vos actions ? En tout cas, effectivement, on pense que la désobéissance civile aujourd'hui est la seule action qui est à la hauteur de la situation, d'une situation vraiment où on est cerné, où on est de plus en plus cerné par cette exigence, cette injonction au numérique. Effectivement, on a eu la chance de faire un certain nombre de rencontres de gens de différents milieux professionnels, de différentes régions de France et de Navarre. Et on a construit, donc, on a participé à la construction d'un réseau d'entraide, de solidarité entre les luttes ou entre les refus du numérique au travail, qui s'appelle Écran Total. C'est, on a une adresse postale, on a même une adresse email. Donc l'adresse email, c'est ecrantotal@riseup.net, tout attaché, Écran Total. Et puis sinon, on peut écrire au BATS, au lieu dit le BATS, BATZ, 81 140 Saint-Michel-de-Vax, et vous pouvez prendre contact si vous voulez participer à des discussions, soit dans des groupes locaux, soit à un niveau national, où on partage en fait ce qu'on ressent sur les effets du numérique sur le travail et les marges de liberté qui nous restent pour continuer malgré tout de faire ce qui nous semble important dans nos boulots, conserver une certaine dignité et un minimum de liberté, et voir si on ne peut pas effectivement désobéir à un certain nombre de directives administratives ou managériales. Donc c'est quelque chose qui est arrivé par exemple à des éleveurs qui ont refusé pendant des années le puçage électronique des animaux qui ont eu des grosses sanctions, une grosse pression de l'administration par rapport à ça. Il y a des gens qui ont eu jusqu'à 20 000 euros de suppression de primes et d'amendes parce qu'on les accusait d'avoir caché l'existence de leurs brebis en ne déclarant pas, en ne les puçant pas. Et puis il y a aussi des profs qui refusent l'école numérique, qui lancent un appel à la désobéissance dans l'école. Il y a des assistantes sociales qui ont fait des grèves des statistiques pour refuser de remplir un certain nombre d'items qu'on leur demandait de remplir pour faire les bilans de fin d'année, les bilans managériaux, quoi. Ça, c'est l'appel de Beauchâtel, c'est ça ? Alors ça, dans l'éducation, c'est l'appel de Beauchâtel, oui. L'appel de Beauchâtel, mais donc il y a aussi des assistantes sociales. Et il y a actuellement la volonté de lancer un mouvement dans tout le secteur médico-social de refus des outils gestionnaires à l'hôpital psychiatrique, dans les services sociaux, d'essayer de voir si c'est possible de faire dérailler en fait ce quadrillage de tout le travail des salariés de ces secteurs-là par des normes bureaucratiques, des normes tayloriennes et un fichage systématique à la fois des usagers et des travailleurs. Et donc on pense que de cette façon, on pourrait, par exemple, on pense qu'aujourd'hui, à la SNCF, il serait plus efficace, sans doute, pour les salariés d'essayer de désobéir à l'obligation qu'il aurait faite de ne plus faire des billets, par exemple, à la main dans les trains, que de faire grève. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que quand ils font grève, c'est relativement impopulaire, qu'ils ont beaucoup de mal à faire céder les gouvernements, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus par de la désobéissance qu'ils peuvent dénoncer l'évolution de leur entreprise, la destruction du service public, la destruction de ce qui était défendable en fait dans des organisations comme la SNCF, comme type d'éthique de travail et d'éthique de mise au service des gens. Voilà les pistes politiques qu'on propose. À la fois le groupe Marcuse, le petit groupe qui écrit, et puis les collectifs dans lesquels on s'inscrit. J'ai oublié de citer évidemment quelque chose de très important dans ce qui se passe actuellement, qui est Linky, qui est un exemple formidable de désobéissance de la part de citoyens de base et de la part d'élus qui désobéissent aux injonctions qui leur sont faites par les préfectures, par des grands groupes comme Enedis, bon, qui sont publics mais qui en fait sont animés par une logique privée aujourd'hui, et où on voit des gens tenir tête à cette entreprise Enedis qui leur ment, qui raconte n'importe quoi, qui dit que les compteurs Linky sont obligatoires alors que ce n'est pas le cas, et on voit des gens s'organiser à un niveau très local, à un niveau de voisinage pour refuser en fait le premier des objets connectés, c'est-à-dire ce compteur communicant qui s'il s'installe partout va ensuite faire rentrer partout les objets connectés dans l'ensemble des foyers. Et donc c'est un combat très important, et nous c'est ce type de manière de lutter qui nous semble aujourd'hui tout à fait pertinente et à développer absolument pour faire face à cette situation. Donc on peut retrouver un peu toute la philosophie de ce débat d'une question politique mais qui n'est pas traitée comme telle, la question du numérique, une vraie question finalement d'éthique et pas que éthique personnelle, quel est mon propre usage de la technologie, mais une question politique de, voilà, on l'a bien compris, avec des impacts sur nos modes de vie, sur nos rapports interpersonnels, sur notre condition humaine, sur notre rapport au travail, avec des impacts sur l'environnement terribles. Donc on peut retrouver aux éditions La Lenteur, pas mal de théories autour de ça. On invite les gens à venir découvrir la pensée du groupe Marcuse. Merci beaucoup Mathieu. Merci. C'était L'Ours et la Carotte, écoutable sur Internet.